tête quand je pense que j'en suis coincé. Je sais plus par où commencer. Ouais, tant de haine, de cris, de souffrance que j'ai plus qu'à me lancer, mais je suis coincé. Je sais plus par où commencer. Y'a tellement de trucs qui se bousculent dans ma tête quand je pense que j'en suis coincé. Je sais plus par où commencer. Ouais, tant de haine, de cris, de souffrance que j'ai plus qu'à me lancer, mais je suis coincé. Je sais plus par où commencer. J'ai trop condensé. Besoin d'un break net, faut compenser. Surtout que je me casse la tête alors que les gens ne sont bons qu'à danser. Ça me casse. Des fois, je me demande pourquoi j'écris des couplets quand je vois ce milieu pourri et le nombre de faux décuplés. Mais à qui la faute? La merde se vend et les clients s'en foutent. Le succès s'achète et les M6 trimballent sans fuite. Et moi, ça me saoule quand on me mélange avec ce genre de torchon. Attention, ce que j'écris, c'est pas pour faire de jolies chansons. Mon rap, c'est pas genre la bagnole que tout le monde rêve d'avoir. Mais plus la douleur du clochard que les passants n'aiment pas voir. Ça, ça me tient à cœur, peut-être un peu trop même. Mais la vérité au sujet de la vie qu'on mène, on l'entend trop peu. J'ai pris trop de coups, le système me bat depuis que je suis tout petit peu. Je voulais ma revanche coûte que coûte, mais franchement, maintenant, sauf qui peut. On n'est pas beau à voir comme les coquelicots. On a poussé entre les flics et les toxicos. Je t'explique, je veux pas qu'un stup me bute au comico. Si je trouve la porte de sortie, je la franchis aussitôt. J'ai assez souffert. Je le dis pour ceux qui pensent que la rue c'est super. Avec le temps, tu comprends que tu gagnes bien moins que ce que tu perds. Mais toi, t'es un ouf, t'es un mec avec qui l'on parle pas. Tant mieux, mais t'es pas plus à envier qu'un fils à papa. Je suis pas dans l'utopique pour nous dire digne d'une épopée. Moi, je veux gagner ma vie et mettre en cloque la plus belle des bien aimées. Dans ma tête quand je pense que j'en suis coincé. Je sais plus par où commencer. Ouais, tant de haine, de cris, de souffrance que j'ai plus qu'à me lancer, mais je suis coincé. Je sais plus par où commencer. Y'a tellement de trucs qui se bousculent dans ma tête quand je pense que j'en suis coincé. Je sais plus par où commencer. Ouais, tant de haine, de cris, de souffrance que j'ai plus qu'à me lancer, mais je suis coincé. Je sais plus par où commencer. Mais je prends la feuille et je grave parce que c'est mon kiff, mon taf. Surtout que j'ai décidé d'opérer sans équipe, sans staff. Alors je me jette et comme je cogite, ça agit sur mon humeur. Quand j'énumère, je me fais un ulcère. Une heure et du coup y'a pas de thème. Ça t'étonne. Tu crois que la vie que je mène tient dans une case, qu'elle est dansante au refrain et qu'elle se résume dans une phrase. Sache lire entre les lignes parce qu'elle ne tient pas dans une page. Elle est tranchante et si je lâche prise, elle se termine dans une cage. Mon HP, t'imagines, ce serait dommage, non? Caché, HS, nourri au cacheton. Ça arrive bien plus qu'on y pense et qui puise à n'importe qui. Personne n'est à l'abri et dans le lot, on est les plus exposés. On est toute une jeunesse au bord de la dépression. Dans la tise, le shit, c'est ces cracks ou produits de substitution. Sans paplard, RMiste, chômeur ou smicard. Sans oublier ceux en marge qui bisent, crédit ou tricard. En tout cas, on n'y peut rien si nos chemins diffèrent des vôtres. Et si la richesse des uns ne peut se faire sans la misère des autres. Nous, on est là et pour le coup, on s'y fait les côtes. Mais on aura notre revanche en attendant. On a su faire les comptes. Pas toujours su quoi répondre, pas toujours su rester calme quand tout espoir s'effondre. Mais faut savoir faire avec la règle et ses contours. Quoi qu'on en pense, de toute façon, la vie suit son cours. Ma tête quand je pense que j'en suis coincé, je sais plus par où commencer. Ouais, tant de haine, de cris, de souffrance que j'ai plus qu'à me lancer, mais je suis coincé. Je sais plus par où commencer. Y'a tellement de trucs qui se bousculent dans ma tête quand je pense que j'en suis coincé. Je sais plus par où commencer. Ouais, tant de haine, de cris, de souffrance que j'ai plus qu'à me lancer, mais je suis coincé. Je sais plus par où commencer. Y'a tellement de trucs qui se bousculent dans ma tête quand je pense que j'en suis coincé. Je sais plus par où commencer. Ouais, tant de haine, de cris, de souffrance que j'ai plus qu'à me lancer.